Troisième partie, chapitre 37 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 37, des désirs. Chacun sait bien qu'il ne faut désirer rien de vicieux, car le désir du mal fait un méchant cœur. Mais, je vous dis plus, filoté, qu'il ne faut rien désirer qui soit dangereux à l'âme, comme sont les bals, les jeux et les autres divertissements, les honneurs et les charges, les visions et les extases, d'autant que tout cela porte bien de la vanité et est sujet à beaucoup de dangers et d'illusions. Ne désirez pas non plus les choses fort éloignées pour le temps, comme font plusieurs qui dissipent et fatiguent leur cœur inutilement et le tiennent toujours exposé à de grandes inquiétudes. Si un jeune homme désire ardemment d'être pourvu d'une charge avant que le temps en soit venu, de quoi, je vous prie, lui sert ce désir? Si une femme mariée désire d'être religieuse, à quel propos? Si je désire d'acheter le bien de mon prochain avant qu'il soit prêt de le vendre, n'est-ce pas perdre le temps? Si, étant malade, je désire de prêcher ou de dire la sainte messe, ou de visiter les autres malades et de faire les exercices de ceux qui sont en santé, ces désirs ne sont-ils pas vains, puisque rien de tout cela n'est en mon pouvoir? Cependant, nos désirs inutiles occupent la place des autres que je dois avoir, et dont Dieu demande de l'effet comme d'être bien patient, bien mortifié, obéissant et doux en mes souffrances. Mais, ordinairement, nos désirs ressemblent trop à ceux des femmes enceintes qui veulent des cerises fraîches en automne et des raisins frais au printemps. Je n'approuve nullement qu'une personne s'amuse à désirer un autre genre de vie que celui qui convient à ses devoirs, ni des exercices incompatibles avec son état. Car ces désirs inutiles dissipent le cœur et ne lui laissent plus de force pour les exercices nécessaires. Si je désirais la solitude des chartreux, je perdrais mon temps. Et ce désir tient la place de celui que je dois avoir de me bien appliquer à mes obligations actuelles. Je ne voudrais pas même que l'on désirât d'avoir un meilleur esprit, ni un meilleur jugement, parce que ces désirs sont frivoles, et tiennent la place de celui que chacun doit avoir de cultiver le sien tel qu'il est. Ni enfin, que l'on désirât les autres moyens de servir Dieu, que l'on n'a pas, au lieu d'employer fidèlement ceux que l'on a entre les mains. Or, tout cela s'entend des désirs qui amusent le cœur, car les souhaits simples et passagers ne peuvent nuire beaucoup, pourvu qu'ils ne soient pas fréquents. À l'égard des croix, ne les désirez qu'à proportion que vous saurez bien porter celle que vous avez. C'est un abus de désirer le martyr, et de n'avoir pas le courage de supporter une petite injure. L'ennemi nous fait prendre le change en nous donnant de grands désirs pour des choses éloignées et qui ne seront jamais, afin de détourner notre cœur de celles qui sont présentes et qui, pour petites qu'elles soient, nous seraient un grand fond de vertu et de mérite. Nous combattons les monstres d'Afrique en imagination et nous nous laissons tuer par les petits serpents qui sont en notre chemin pour n'y pas faire l'attention nécessaire. Ne désirez pas non plus les tentations, ce serait une témérité, mais préparez votre cœur à les attendre courageusement et à les bien soutenir quand elles se présenteront. La variété des viandes et la quantité, tout ensemble, charge toujours l'estomac et le ruine même s'il est faible. De même, la multitude des désirs pour les choses spirituelles embarrasse toujours le cœur et elle le corrompt entièrement s'il regarde le monde. Quand notre âme a été bien purifiée de ses mauvaises inclinations, elle sent une grande avidité des choses spirituelles et elle désire mille sortes d'exercices de piété, de mortification, de pénitence, d'humilité, de charité et d'oraison. C'est un bon signe, Philothée, que cette faim spirituelle. Mais, dans la convalescence d'une maladie, il faut examiner si l'on peut digérer tout ce que l'appétit demande. Réglez donc le discernement et le choix de vos désirs par l'avis de votre père spirituel et faites bien valoir ceux qu'il approuvera. Et après cela, Dieu vous en fera naître d'autres, quand il sera nécessaire pour votre avancement. Je ne dis pas qu'il faille perdre aucune sorte de bon désir, mais je dis qu'il faut y mettre de l'ordre et laisser mourir dans le cœur ceux qui ne sont pas encore de saison en s'appliquant à mettre en pratique ceux qui sont à leur maturité. Or, cela se doit entendre même des désirs qui regardent le monde, car l'on ne peut autrement se délivrer de l'empressement et de l'inquiétude. Fin du chapitre 37, troisième partie.